رنم پتانلی سخت گرتیالوک سه موتور دی دستان به فر پارتی دس اینکسیستانت استاتیستیک دان جنوسید فان دی کنت نون نسوم مم پا اگرنات. Et ce que je peux dire de moi pour qu'il lise ma critique de France, pardon, et qu'il ne soit du tout au fait du reste de ma démarche. Il y a peut-être de la pédanterie vis-à-vis de l'écoute, mais je suis en train d'intégrer, que je ne veuille pas, les catégories bartoniennes. Ce n'est plus la teneur du vieil hermétisme. Je me trouve dans la métamorphose de Spider-Man en train de parcourir mes 10 pouvoirs et mes 10 vices sous l'élément R, par exemple. Mais d'en rester là aurait été du dilettantisme si l'on aimait sous critique déjà ma première méditation conditionnée sur l'élément feu. Il s'agirait du sexe, du chaud, oui, et bien aussi de la volonté, parce que pour Franz Bardon, le comble et le pouvoir, et qu'il s'agit de puissance, de l'irritation, puisqu'il catégorise sans état d'âme le sadisme parmi les pouvoirs obscurs du feu. Ce n'est que l'institution à titre psychoactif de la parapsychologie dans les plans de travail de l'ordre mondial, une réforme d'atomisme pour sa consommation par des cellules sectaires. On en est à l'heure où l'on juxtapose, oppose et entrepose du coin sur du coin.